11-9 activation, dictée. Écoutez et complétez. Vous entendrez le passage deux fois. Où tu vas? Au cinéma. Je veux pas venir? Non, pas aujourd'hui. Une autre fois. Oh, toujours une autre fois. Et pourquoi pas aujourd'hui? Parce que... Cinéma. Je veux pas venir? Non, pas aujourd'hui. Une autre fois. Oh, toujours une autre fois. Et pourquoi pas aujourd'hui? Parce que...